Couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 et sur Fadjet.net pour votre demi-heure bonne humeur en musique avec les artistes de la région. Et j'ai même envie de dire parfois de la grande région. Coucou à nos amis en Alsace, à nos amis à Reims, à nos amis en Guadeloupe, ce qui n'est déjà plus dans la grande région. Que raconte je, Pierre au micro sur Fadjet. On est sur Facebook, Fadjet-6, couleur locale. Que vous nous écoutiez samedi à 13h ou dimanche à midi, je vous souhaite un bon appétit. Votre estomac est contenté, vous adorez ce que vous mangez. C'est très très bon. Et nous, par contre, on va vous nourrir aussi. Vous imaginez une double ration de nourriture. Mais on va pas nourrir votre estomac, on va pas nourrir votre palais. On s'en moque un peu de ça. Nous, on va nourrir votre âme. On va nourrir votre esprit. On va nourrir votre cœur, vos énergies, votre identité, ce qui fait que vous êtes des êtres humains conscients et aimants. L'amour, c'est important. L'amour, c'est important. Parfois, quand c'est brûlant. Parfois, quand c'est posé. Quand c'est électrique. Et parfois, on a des yeux qui rêvent, des yeux rêvants, des yeux rêveurs quand on regarde notre partenaire et on est avec Dreamy Eyes pour le petit jeu de mots qui a bien marché parce que je vois des sourires radieux sur le visage. C'est beau ce que tu dis. C'est très beau ce que je dis. De l'électro posé avec Lilou au chant. Bonjour. Ah Lilou, quelle belle voix Lilou, je vais te monter un petit peu. Qu'on t'entende vraiment bien. Tu peux redire un bonjour. Bonjour. Waouh, super, c'est un vrai bonjour ça. Au chant, nous sommes avec Lionel à la guitare. Bonjour. Ouais, voilà la guitare. Enfin voilà. Tu tapes dans une poubelle, t'as des sons guitaristes voilà. Qui sortent quoi, mais bon. Exactement. Il faut bien quoi. Ah bah oui. Ah le bâtard, quand même, ça se fait pas de dire ça. Non mais attendez, et en plus, chers auditeurs, nous sommes filmés, alors il faut pas que je dise de grosses bêtises ou que je fasse de grosses salam alek visuelles, puisque salam alek, c'est un terme très ancien, puisque nous sommes filmés, voilà, pour cette émission Couleur locale. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Romain, de RG Graphism. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Je t'en monte un peu aussi. Merci. Toi, tu es sur la partie vidéo et notamment en IA. Voilà, en fait, là, on a fait un premier clip IA avec Dreamy Eyes. Et ça a été plutôt un beau succès avec tout ce qui s'est enchaîné entre temps. Et on a été repayé par Vevo Music après. Ouais, c'est vraiment plutôt un... C'est un label, Vevo hein. Non, c'est une plateforme c'est, de diffusion. C'est une plateforme de diffusion de clips vidéo, ouais. Ouais, Vevo, ouais. Ça me rappelle loin, mais j'ai l'impression que Vevo, ça existe depuis 10 000 ans. Ouais, ça fait perpète. Oh, bah oui. ça fait perpète. Alors, c'est vraiment Dreamy Eyes en NIA. Tu vois, il y a une espèce de... Ça rime. C'est ça, c'est le côté très moderne. Et, ouais. Moi, je parlais surtout de la rime, mais après, oui, c'est mal. Oui, aussi. ça aurait pu être Dreamy Ha en NIA, tu vois. Ça part déjà en cacahuète. Fadjet Color Love, mais c'est bien, c'est ça qui est marrant quand on est sur Fadjet. Au 94.2 FM et sur Fadjet à Nancy, Dreamy Eyes des... R-E-A-M-Y-E-Y-E-S. C'est possible. C'est long à le dire. Hein. Au Scrabble, c'est nickel. Sur Facebook, Instagram et YouTube, il y a un premier titre qu'on va pouvoir, je pense, écouter tout de suite, puisque parfois, une musique vaut mieux que 10 000 mots, et nous, on a de la chance, on a la musique et les mots. Alors, ce titre, c'est Hard, putain, la vache, l'accent, ce qui veut dire dur, difficile, c'est la vous avez compris. Oui, alors, je vais vous poser une question. Oui. Et en général, à cette question, il y a deux écoles au niveau de la réponse. La question, c'est de quoi parle ce morceau. Alors, soit on me répond, les auditeurs, ils ont qu'à écouter. Alors, du coup, moi, je suis là, tu vois, je rentre chez moi, je me pose plein de questions existentielles sur ma vie. Est-ce que je dois continuer la radio? Et voilà, je suis pas bien, tu vois. Et puis, sinon, et surtout quand c'est des trucs en anglais, des chansons en anglais, on me tease un peu parce que tout le monde n'est pas forcément anglophone. Bah, déjà, il faut savoir que la musique, on l'a écrit en premier en hiver. Et c'était dur. Voilà, c'était très compliqué. Et puis après, je laisse Lilou parler parce que c'est elle qui a écrit les paroles. Ah. Mon frère faisait de la guitare il faisait son morceau de guitare. Okay. Et quand je l'ai écouté, il m'a dit écris des paroles, mais qui parlent de l'amour triste. Du coup, j'ai écrit des paroles en français qui parlaient de l'amour, que c'était compliqué d'oublier cette personne, qu'elle nous manquait énormément. Et du coup, on les a retraduits. Et puis après, on les a chantées, on a essayé d'être en rythme et tout ça. C'est une belle histoire et en plus ça va super bien avec mon introduction quelque part. Donc, j'avais peut-être pas trop tort dans ce que j'ai dit. Ça parlait déjà d'amour. Ça parlait déjà d'amour. Alors l'amour facile, l'amour difficile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers auditeurs, mais vous pourrez réagir sur les réseaux sociaux avec Heart the Dreamy Eyes sur, j'allais dire sur Facebook, oui aussi, mais surtout sur Fadjet dans Couleur Locale. Stop loving you is so hard. I can't think of anything but only you. You made me smile every time I was down. You don't know much I miss you. You don't know much I like you. I trusted you. Dreamy Eyes sur Fadjet. Merci, c'est gentil, surtout avec le casque, c'est très très bizarre. Pour une fois que les invités me font un compliment. Qui était un compliment hein, duquel je doute. En plus, c'est filmé quoi. Dreamy Eyes, le titre Hard, votre premier titre, qui est, j'imagine, sur toutes les plateformes. On en parlait, YouTube, tout le truc. Voilà. Tout le truc comme oui, ça quoi. Exactement. Donc on a parlé alors hein, Fadjet Couleur Locale, on est avec Dreamy Eyes, on est aussi avec, donc on est avec Lionel, on est avec Lilou. Oui. Lilou. C'est moi, j'avais pas de Lilou hein, quand j'étais à l'école. Il y a des prénoms comme ça qui émergent. Là, il y en a trop. Il y en a trop. Il y a trop de Lilou. Mais où est Stitch ? Non, je rigole. On est envahi. C'est Lilou en plus. Faut arrêter de dire des bêtises. Mais on est avec, avec Romain. Et Romain de RG Graphisme, c'est intéressant puisque ce morceau-là a été clippé avec une IA. C'est ça, tout à fait. Alors, dis-moi en plus, parce que moi, je connais absolument rien aux IA, donc du coup... Alors, déjà, ça fait pas très longtemps que l'IA est sur le secteur grand public, on va dire ça comme ça. Parce qu'on voit des photos, hein, des trucs comme ça. Voilà, mais... en fait, on a, avec Lionel qui s'y connaît en informatique, on a téléchargé plusieurs IA à la fois pour pouvoir faire ce clip-là, parce que c'est pas juste mettre des mots sur un clavier comme ChatGPT et après... Ou tu tapes hop, et te voilà, c'est pas quoi ça. Ça serait trop facile, sinon. Non, là, c'est vraiment de la génération d'images avec... Une histoire, un décor voulu. Donc, comme Lilou adore tout ce qui est manga, on a voulu mettre un thème un peu cyberpunk, un peu manga. Et du coup, donc, j'ai mis quasiment 2 mois à le construire avec de la génération d'images, avoir de la cohérence entre les images. Ça, c'est la partie la plus complexe dans l'IA. Avec donc 3-4 logiciels d'IA mélangés, plus Premiere Pro ou Sony Vegas pour le montage, que tout le monde en termes de monteur vidéo connaisse. Et du coup, j'étais super content du résultat par rapport à leur musique. Et c'est là que j'ai foncé chez Lilou et Lionel pour montrer mon travail par rapport à ça. Ils ont adoré et du coup, on est allé encore plus loin dans le délire. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que nous aussi, on avait, on voulait quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Ouais. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que, par exemple, quand on a sorti notre clip, quelques jours après, on a vu le clip de Linkin Park sortir, et justement fait avec de l'IA aussi. C'est Lost, non? Ouais, ouais, c'est Lost. Ouais. Et pareil, c'est joué avec l'IA. Il y a Daft Punk aussi. Ouais, Daft Punk, ouais, qui ont travaillé sur Infinity Repeating avec de l'IA. Et en fait, nous, on voulait sortir de l'ordinaire. Et Dreamy Eyes, bah, c'était le bon nom pour sortir de l'ordinaire. Et bah, voilà. Il n'y a pas de problème. Ce sont les aléas du direct, pas direct. On a le droit de tousser et ce n'est pas une toux en IA, je tiens à le préciser. Voilà. C'est une vraie toux. Mais... Alors, du coup, est-ce que le projet, finalement, c'est pas d'avoir un album avec des clips full IA? Bah, peut-être pas full IA, ouais. Parce que je sais qu'on a eu des certains retours qui... Qui n'étaient pas... Pas chaud. Ouais. Et tandis qu'on a eu des retours aussi qui étaient très positifs par rapport au clip. Et justement, on a réussi à séparer la poire en deux. Et on a décidé dans le futur de faire des clips qui pourraient peut-être réunir les deux choses. Entre l'IA et la vraie vidéo réelle. Ah ouais, donc il y aurait des passages. Voilà. On a déjà commencé chez RG Graphisme à faire de la vidéo IA avec des vraies vidéos. Comme par exemple, on a un boxeur, kickboxer blanc, qui est venu sur notre studio photo-vidéo. Et puis on l'a transformé au fur et à mesure en IA. Donc c'est faisable. C'est encore tout nouveau parce que l'IA apprend tous les jours, comme nous on apprend tous les jours de l'IA. Mais c'est qu'on veut quand même garder, on était tout d'accord avec l'équipe d'RG Graphisme et du coup Dreamy Eyes, de garder ce côté très humain en fait malgré tout sur la création. Alors forcément, comme on disait Lionel, y en a qui nous ont lynchés par rapport à ça parce que ça, oui, bah. Ça fait peur, mais jamais vous dire. En même temps, l'IA, ça fait tellement longtemps que ça existe, comme dans les jeux vidéo, dans les calculatrices, sur les PC, sur les téléphones, il y a de l'IA. Et là, on se fait lyncher parce qu'on fait de la créativité avec de l'IA. Mais c'est génial, quoi. Et c'est l'avenir de notre métier, en fait. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est la première fois que je reçois dans Couleur Locale sur Fadjet, 94.2 FM à Nancy et Fadjet.net, un groupe qui s'associe avec quelqu'un comme toi et qui fait ce genre de choses. Et je trouve ça très intéressant. Aucun lynchage de notre côté, mes chers amis. Peu importe vos opinions, respectons, s'il vous plaît, les artistes. Retour sur les artistes. Lilou, donc tu es très jeune, hein, tu as 8 ans, tu m'as dit. 8 ans Un quart. Je vais avoir 15. Avoir 15 ans. Très, très, très jeune. Bon, j'avais juste envie de dire ça, il n'y aura pas forcément de transition. Bah, si justement, non, c'est pas une transition. Tu écris les textes, tu écriras. Le français est une langue compliquée. Tu écriras les textes pour les futurs morceaux. Je sais pas trop. En fait, on va travailler, je pense aussi tous les deux. Ouais, avec Lionel. Oui, chacun des instruments. Oui, on va être sûr. On va voir si ça va être bien ou pas. On va chacun travailler de notre côté et puis après réunir un peu tout. Donc voilà. Mais après aussi, du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est que du coup là, on a le projet de monter réellement un groupe. Et du coup, dernièrement, on travaille avec mon grand frère, Léo Constantin, et un guitariste qui était déjà dans mon ancien duo électro. Bon, là, c'était vraiment de l'électro style Daft Punk, Justice, Kingston et Sao. Donc là, on essaye d'écrire vraiment, on va voir pour courant 2024, essayer de sortir un réel projet. Un réel projet. Voilà. Alors, on aura un extrait, voilà. Une maquette. C'est Every, voilà. Le titre. Ça fera partie avec art d'un grand tout, d'un peu d'un album, ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. Il y a déjà une vision. Ah, mais il y a une vision. Il faut se voir, comme je dis toujours, il faut se voir plus loin. Quoi. Pas il faut juste voir plus loin. Par bout, quoi. Il faut aller voir dans 2 ans, 3 ans, 5 ans plus loin. Ouais. Et puis, voilà. C'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse. Puis la petite différence entre art et du coup la maquette Every. C'est que Hard, du coup, comme j'ai expliqué, elle a été faite en hiver. Et là, Every a été commencé en été. Et du coup, le changement d'ambiance. Les 4 saisons. Vivaldi. Ils se sont... Vivaldi. C'est de l'électroposé. Vivaldienne, vous écoutez Fadjet, Couleur Locale 94.2 FM à Nancy. Si vous nous écoutez samedi, il est déjà 13h15. 15 minutes d'émission, ça passe vite. Si vous nous écoutez dimanche, il est déjà 12h15. Le podcast sera disponible sur le site de Fadjet, fadjet.net, pendant une semaine et sur mon compte Spotify, Pierre Mercier Fadjet, avec tous les podcasts de toutes les anciennes émissions. Si vous ne savez pas quoi faire les prochains mois, les prochaines années, il y a du contenu à écouter. On est toujours avec Dreamy Eyes, accompagné par Romain de RG Graphisme. C'est le monsieur IA, le monsieur IA. Je vous invite à voir le clip d'ailleurs. On fait comme une agence de publicité, on fait tout ce qui est infographie, photo, vidéo, ouais, non, je la promotion complète. Ah oui, mais je vois bien tu, ça. Tu lui as cassé son nez. Il est partout. Moi, je ne vais pas pleurer, évidemment. Évidemment, je ne vais pas pleurer. Peut-être pleurons-nous un moment dans l'émission en écoutant vos inspirations, puisqu'il y a un premier titre qu'on va écouter. Alors, c'est Men I Trust. C'est le nom du groupe. Oui, ouais, c'est le nom du groupe. Ouais, parce que chaque fois, je pose la question parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, c'est le choix de Lionel. Donc, Men I Trust, les gens en qui je crois. J'avais dit que je traduirais, hein, je casse que. Le titre, c'est I Hope to Be Around. J'espère être là autour de toi. Voilà. Mais de qui? Tu sais, ça parle de quoi cette chanson? Je ne connais pas du tout, je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais traduit les paroles en brut, mais je pense que ça parle aussi d'amour. Ça parle forcément de Kay. Voilà, c'est... je suis sentimental. Hein. Ah ouais, Lionel est-il célibataire? Oui. Chers amis. Ça a répondu vite. Hein. C'est, chers amis, son numéro, c'est le 06. Ouais, c'est le 06. Ok, d'accord. Et bah, peut-être qu'on va faire de l'agence matrimoniale. Je ne sais pas. En plus, il sera en vidéo. Vidéo sur YouTube. YouTube et Facebook aussi, sur Géographisme. Et du coup, je te relayerai la vidéo sur FanJet. Magnifique. J'essaye de ne pas regarder la caméra. Je suis une starlette. Il faut arrêter. Men I Trust, c'est le titre. I Hope to Be Around. C'est le choix de Lionel, de Dreamy Eye sur FanJet dans Couleur Locale. Trust est le titre. I hope to be around. To be around. Et ça m'étonne pas comme inspiration finalement. Ça, je dirais pas que c'est similaire à ce qu'on a entendu plus tôt, mais c'est posé. Ouais. Bah, c'est toujours dans l'inspiration sentimentale, je pense. L'inspiration sentimentale. Ouais. Tu es un gros lover, Lionel. Voilà. Un gros lover. Et toi, Lulu ? Loveuse ? Non. Ouais, non, rien à F, comme on dirait poliment. Ah, la plus de l'amour pour l'art, je pense. Ouais. Pour l'art, l'amour de l'art, ça c'est beau. Romain, l'amour de l'IA, mais pas que, je sais. Ah, il y a plein de choses pour moi. Quoi. Plein de choses pour toi. Plein de choses pour toi. On est avec Dreamy Eyes, accompagné par Romain de RG Graphisme, avec un premier clip réalisé en IA, 100%, donc le clip du morceau Hard. On écoutera un extrait de Heavy. Donc tous ces morceaux-là, ils seront dans un prochain EP. Voilà. Oui. 5 titres, 6 titres. Peut-être un truc plus 8. Ouais, 8. Ah, on est déjà plus dans l'album, ouais. Du coup. Oui. Plutôt un album. On peut espérer ça va avoir ça pour quand ? Écouter ça pour quand ? Je pense. 2043. Voilà. Non, je pense courant 2024, peut-être. Courant 2024. C'est si on arrive à boucler déjà les démos qu'on est en train de réaliser. Et essayer de poser tout ça avec les autres personnes de Dreamy Eyes. Que vous avez trouvé. Voilà. Oui. Et qui vont pouvoir nous aider, pareil, à inspiration. Et donc on aura Lilou chant. Oui. Voilà. Toi, guitare, backing track, chœur. Peut-être pas que guitare. Je pense plus que ce sera Kingston à la guitare. Moi, je serais plus. L'écriture. L'écriture. Peut-être aussi chant, parce qu'on m'entend aussi chanter à l'arrière de Hard. Et l'arrangement de l'album, pareil, le mixing, le mixage. Et piano, ouais, peut-être. Partie MAO, quoi. Dans tous les cas, il y aura toujours. On aura tous un peu notre part à faire. Voilà. Ouais. Comme dans un groupe. Et puis, il y aura des clips aussi à venir avec ton concours, Romain. Ouais. Il y aura 8 clips là, carrément. Quoi, un clip non, quand même pas 8 clips, mais c'est voilà. Qu'on avait parlé d'un futur clip qu'on va mettre en place. On va partir sur le côté un peu vintage, moderne, et forcément il y a à la fin. Pour voir vraiment l'évolution d'une chanson sur 3 styles différents. Et on a trouvé ça super intéressant à tourner. Voilà. Donc on verra. De beaux projets, un futur que je vous souhaite radieux, mes chers amis de Dreamy Eyes, et toi aussi Romain de RG Graphisme, ben, sur Fadjet dans Couleur Locale, 94.2 FM Nancy, Fadjet.net. Si vous nous rejoignez maintenant, que vous avez raté l'émission, que vous êtes en train de... J'ai entendu le début. C'est pas grave, il y a un podcast pendant une semaine, le mec rigole tout seul, sur Fadjet.net et également sur Spotify en illimité jusqu'à la fin des temps, ou tout du moins jusqu'à la fin de l'Internet mondial. Alors, deux musiciens, un musicien... On est d'accord que la scène, c'est quand même cool, jouer devant un public. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu aussi au bout d'un moment ? Ah bah forcément, il y a un moment où on va se lancer. Oui. Quand même. On essaye justement de voir justement avec les autres personnes. Mais si j'ai envie. Pour le moment, c'est plus concentration sur le projet. Et après, voir comment ça tourne déjà. Comment les personnes reçoivent le projet. Puis... On avisera après. Voilà. Moi, c'est le genre de morceau que je vois bien, tu sais, genre en milieu de festival. Tu vois, un truc genre Vache de Rock ou Jardin du Michel. Mmh. Tu vois, un truc en été. Là, t'as la nuit. T'as la nuit qui tombe. C'est pas la tête d'affiche, c'est pas le début. Mais t'es un peu au milieu. Peut-être que tu passes après à un groupe un peu de folk comme ça et qu'à la fin, t'as un truc bien rock. Et là, t'as la nuit qui tombe et t'as l'électroposé avec une belle voix. Moi, je vois. Vous voyez, vous avez cette image-là. Vous la sentez, cette image ? Vous la sentez avec vos oreilles. Et peut-être que à ce moment-là, on entendra cet extrait de Every. Qui est une exclusivité. Là maintenant, sur Fadjet en couleur locale. Tu me dis, Lionel, quand je peux arrêter pour pas retrouver. Ah, pour les vous, il n'y a pas de problème. On est un peu dans le même genre que le. Oui. On va pas en montrer plus. Voilà. Ok. Et c'est déjà une maquette qui promet d'envoyer du bois. Ça parle de quoi, Avery ? Garde alors, un petit secret. On va revenir au même sujet. Hein. L'amour. On est toujours porté sur l'amour. Mais joyeuse. Mais là, cette fois, c'est joyeux. Mais c'est là, ça. Cette fois, c'est joyeux. C'est ça qui est différent. L'amour joyeux. En fait, ils sont bipolaires. Voilà. Non, en hiver, on est triste et en été, on est plus joyeux. Bah, finalement, ça, c'est un peu la vie de presque tout le monde. Voilà. Alors, vous écrivez tous les deux. Oui. Romain, tu es dans l'infographie. Alors, moi, j'écris aussi. D'ailleurs, quand je suis arrivé en 2019 à Lunéville, j'ai fait ma première radio chez vous, du coup, avec Fred, par rapport à mon premier roman, Les larmes de mes frères. Et j'avais écrit une chanson avec, enfin, il y a tellement longtemps que j'ai proposé à Lionel et Lilou, du coup, pour voir s'ils ne peuvent pas me la retranscrire en chanson. Et c'est prévu. Alors, j'espère. On va faire un truc que je ne fais jamais. Je vais clôturer l'émission par un petit jeu et on mettra ton inspiration en fond de musique, si tu le veux bien, Lilou. Oui. Donc, qui est The Neighborhood Afraid. Oui. Et, enfin, The Neighborhood Afraid. Afraid. Afraid. Afraid, c'est le titre de la chanson. Oui. Donc on va mettre ça en fond. Alors c'est peut-être un peu agressif pour le jeu que je vais faire, mais c'est pas grave. On est aussi dans l'oxymore un petit peu, des fois, l'amour fort, l'amour dur. Alors comme vous êtes tous les trois des écrivains, je vais vous donner deux situations et vous allez me dire tout à tour de rôle laquelle vous inspirerait le plus l'écriture d'une chanson. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est chaud? Ouais. Premier cas de figure. Vous rentrez d'une tournée. Vous êtes éreinté. Vous êtes dans un train. Vous êtes éreinté, vous êtes fatigué, mais en même temps, vous êtes heureux d'avoir fait cette tournée. Il y a ce coucher de soleil que vous observez par la vitre du train. Vous entendez les cliquetis sur les rails. Peut-être une odeur de café du monsieur en face. Un bruit de bébé en fond. Et puis, vous êtes dans ce train qui avance, ce coucher de soleil qui peut signifier la fin, mais en même temps, la nuit cède sa place au jour. Donc, il y a ce renouveau, il y a ce voyage, cette fin de ce concert, mais aussi ce retour à la réalité, ce début d'une nouvelle réalité. Et tout d'un coup, des mots vous viennent. Quelque chose vous inspire et vous écrivez. Est-ce que c'est l'amour qui fuit? Est-ce que c'est l'amour qui revient? Est-ce que... Je ne sais pas. Deuxième cas de figure. Vous vous réveillez, vous êtes dans votre lit. Bon, pas tous les trois en même temps. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. On va dire que vous êtes chacun dans un lit différent. Vous vous réveillez. Et vous avez cette sensation étrange d'avoir vécu un rêve qui vous a inspiré. Ce rêve est encore là. Car vous savez que dans les premières minutes après le réveil, les rêves ont tendance à s'évaporer. Mais ce rêve, il est là. Il y avait peut-être une mélodie, peut-être une histoire incongrue, quelque chose qui n'a pas de sens. Mais c'était là. Alors vous vous redressez. Vous prenez un carnet, un stylo, vous prenez votre téléphone portable, votre tablette, un rouleau de papyrus si vous en avez un. Et vous écrivez. Vous écrivez des vers, vous écrivez des mots pour ne pas oublier ce rêve. Alors plutôt train soleil couchant, plutôt rêve, les deux, aucun des deux, Lilou. Plutôt les trains. Plutôt le train. Oui, parce que déjà le mood du train avec la nuit et tout ça, je trouve ça déjà incroyable. Ça me fait aussi penser aux animés. Les animés qui est une chose incroyable. Et du coup, bah, je pense si je devais écrire un truc dessus, je parlerais de la nuit, de les gens qui sortent un peu dehors, qui s'amusent. Et bah, des gens qui vont soit au travail pendant la nuit, etc. Voilà. Elle a déjà une idée de texte, c'est quand même... Elle a vu le film et tout déjà dans la tête. Elle a vu le film dans la tête, ok. Romain. Bah, moi je suis un peu comme Lilou, ouais, pareil, le côté un peu, je rentre tranquillement après avoir fait un gros boulot, déjà que j'ai pas mal fait d'événementiel avant et je sais ce que c'est, et en fait ce retour à la réalité, cette fin d'adrénaline, où tu te dis, ça y est, tu l'as fait. T'as passé tellement de temps à l'écrire, tellement de temps à l'imaginer, à le construire. T'as combattu les gens qui t'ont dit, mais non, t'inquiète pas, ça va pas se passer, t'y arriveras jamais, t'auras pas les épaules pour, etc. Plein d'œil. Mais tu vois, on a tous vécu ça en fait. Et d'arriver à la fin, tu te dis, putain, pardon. Pas de soucis. C'est moi qui l'ai fait. Ou on l'a fait. Tu vois, en fait, de dire, j'ai combattu tout ce qu'on m'a dit que, soi-disant, je n'allais jamais y arriver, etc. Et en fait, je l'ai fait parce que c'est ma destinée, c'est mon projet, c'est ma vie, c'est mon rêve. Tu vois, ça fait le lien entre les deux. Et de dire, je suis imbattable par rapport à ça, parce que je suis fier de moi. Je pense que c'est ça, en fait, qu'il faut ressentir, enfin, qu'il faut retenir, en fait. C'est un très bon ressenti. Lionel. Eh ben, moi, je l'ai rejoint sur l'histoire du train. C'était peut-être mieux raconté, ça. Mais j'ai envie de dire que ça m'a refait penser à une scène que j'ai vécue. On avait été au concert de Juliette Armanet. Ah oui. Et je me souviens très bien de ce moment parce que le soir, en fait, ça m'a mis une claque artistiquement parlant, que je suis rentré Et dans la voiture, je regardais le paysage et j'étais en train de pleurer. En regardant le paysage, parce que ça m'a mis une claque artistique. Et pendant 2 mois, j'ai pas réussi à écrire quelque chose. Pendant 2 mois, j'ai eu une page blanche énorme pour qu'en fait, ça revienne d'un coup et que je puisse commencer à écrire. Et en fait, je me suis mis à la place de Juliette Armanet qui était en train de faire son concert. Oui. Et je me suis imaginé, nous, en arriver à là et voir ce public à fond dans le jeu du concert et tout ça, que bah, je me suis dit, bah, c'est là que je veux être en fait. C'est assez, hein. Vous m'avez fait des super belles réponses. Ce sont peut-être les meilleures de l'histoire de Fadjet. Laquelle préférez-vous, Charles Luther? Un commentaire. Et un commentaire sur les réseaux sociaux, évidemment. Fadjet tiré du 6 couleur locale. Merci à Lionel et Lilou de Dreamy Eyes Electro Posé. On a écouté Hard qui est réalisé en clip en IA avec RJ Graphisme et Romain qui étaient avec nous. Merci à toi aussi. D'autres projets qui vont arriver, d'autres clips. Merci d'avoir participé à cette édition de Couleur Locale en radio et en vidéo, puisque ce sera disponible sur YouTube. Vous pourrez voir ma trogne pour ceux qui ne l'ont jamais vue. D'ailleurs, notez la coupe de cheveux à partir de 20 minutes. Cette bonne guerre, on va dire. Fadjet Couleur Locale, tous les samedis à 13h, les dimanches à midi au 94.2 FM à Nancy sur fadjet.net. On se retrouve le week-end prochain avec le duo Cré Blanche. Merci à vous et passez un bon week-end.